50 languages. 68. 68. 68. كبير صغير. Grand, petit. Grand, petit. كبير وصغير. Grand et petit. Grand et petit. الفيل كبير. L'éléphant est grand. L'éléphant est grand. الفأر صغير. La souris est petite. La souris est petite. مظلم ومضيء. Sombre et clair. Sombre et clair. الليلة مظلمة. La nuit est sombre. La nuit est sombre. النهار مشرق. Le jour est clair. Le jour est clair. طاعن في السن وشاب. Vieux et jeune. Vieux et jeune. جدنا طاعن في السن. Notre grand-père est très vieux. Notre grand-père est très vieux. وقبل 70 عاما كان شابا. Il y a 70 ans, il était encore jeune. Il y a 70 ans, il était encore jeune. جميل وقبيح. Beau et laid. Beau et laid. الفراشة جميلة. Le papillon est beau. Le papillon est beau. العنكبوت قبيح. L'araignée est laide. L'araignée est laide. سمين ونحيل. Gros et maigre. Gros et maigre. امرأة وزنها 100 كيلو هي سمينة. Une femme de 100 kilos est grosse. Une femme de 100 kilos est grosse. رجل وزنه 50 كيلو هو نحيل. Un homme de 50 kilos est maigre. Un homme de 50 kilos est maigre. باهظ الثمن ورخيص. Cher et bon marché. Cher et bon marché. السيارة باهظة الثمن. L'automobile est chère. L'automobile est chère. الصحيفة رخيصة. Le journal est bon marché. Le journal est bon marché.